Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc parti pour l'US Open 2019, avec une première journée déjà riche en émotions et en bons matchs, dont on va sortir pour l'analyse, ou en tout cas pour quelques commentaires, certains de ces matchs. Évidemment, vu leur nombre au premier tour, c'est impossible de se concentrer sur l'ensemble des prestations françaises, belges et de toutes les vedettes. Donc j'ai choisi juste quelques extraits. En commençant évidemment par l'entrée en lice des deux numéro 1 mondiaux chez les femmes avec Ashleigh Barty, qui a vraiment eu du mal à s'imposer hier. On a certainement vu un manque de rythme depuis Wimbledon et sa défaite en 8e de finale là-bas. Elle n'a pratiquement plus joué et donc ça s'est certainement vu, mais elle s'est imposée et poursuit donc sa route vers, pourquoi pas, un premier titre à New York, mais on en est encore très loin. Mais au moins, elle a survécu à ce premier tour toujours difficile, surtout après une longue coupure quand même. Côté masculin, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, n'a pas dû livrer, j'ai envie de dire, son meilleur tennis, mais c'est quand même facilement imposé et là aussi continue sa route sans problème. Idem pour Roger Federer, mais qui a perdu, une fois n'est pas coutume, un premier set en grand chelem, ça c'est assez rare pour être souligné. Contrairement à Medvedev, un des outsiders dont on parle beaucoup suite à sa belle saison sur dur notamment, qui a facilement gagné en 3-7, donc du coup qui reste aussi bien dans le tournoi, mais surtout qui économise de l'énergie aussi parce qu'il a beaucoup joué ce jour-là et donc du coup il a intérêt à s'économiser dans les premiers tours. Revenons un peu au tournoi féminin, à souligner bien sûr la belle victoire de Kristina Mladenovic côté français, qui a sorti la lauréate 2016 de l'US Open Angélique Kerber, qui certes n'est pas dans une forme olympique pour l'instant, mais ça reste quand même une très très belle victoire. Et ainsi, Mladenovic, Kiki pour les intimes, va se retrouver au deuxième tour face à une autre Française. Et donc, du coup, ça garantit déjà une place au moins d'une représentante française au troisième tour. Enfin, David Goffin contre Corentin Moutet, un duel belgo-français qui a tourné à l'avantage de David Goffin, un des hommes en forme et que je mettrais personnellement aussi parmi les outsiders à New York, même si c'est un tournoi qui ne lui a pas souvent réussi, mais il est en forme, il est tactiquement bien et je pense qu'il peut aller relativement loin. Voici pour quelques temps forts que j'ai sortis de cette première journée. On a déjà hâte que ça recommence d'ici quelques heures à New York. Et je ferai un résumé demain d'autres temps forts de la deuxième journée de l'US Open. D'ici là, portez-vous bien. À demain.